Le choix d'un mode de déplacement en ville est fonction de la charge à transporter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du nombre de kilomètres à parcourir. Oui, réponse C. Non, réponse D.